Enseignement par le vénérable Sayadaw Unnanujjota Bivamsa. Centre de méditation d'Amarancy de Rivière. 6 juillet 2022. Aujourd'hui, Sayadaw va parler de Pasadi Sambhojanga, le facteur d'illumination de la tranquillité. Pasadi veut dire tranquillité, calme. Pour être calme, pour être tranquille, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement dans l'esprit, pas d'activité, pas d'agitation. Le contraire de Pasadi, c'est Udaccha, l'agitation. Udaccha est un état d'esprit négatif. Il n'y a aucune stabilité. L'esprit est éparpillé. C'est un petit peu comme une eau qui serait agitée et qui provoquerait des vagues. On peut aussi comparer Udaccha à un drapeau qui flotte dans le vent. S'il y a du vent, le drapeau flotte. Notre esprit aussi, s'il y a du vent, des activités, de l'agitation dans l'esprit, il va flotter comme ce drapeau. On peut aussi comparer Udaccha à une pierre qui serait jetée dans un tas de cendres. Ces cendres vont s'éparpiller partout. L'esprit qui est pris par Udaccha, l'agitation, est aussi éparpillé, comme ses cendres. Parfois, le méditant a réussi à développer une bonne concentration, son esprit reste fixé sur les objets, mais l'agitation s'invite malgré tout. Et ce qui arrive bien souvent, c'est que l'agitation s'impose et prend la place de la concentration. C'est un petit peu comme si dans une famille, un des membres est très agité, les autres sont calmes, mais toute la famille se laisse contaminer par l'agitation de celui qu'il est. Parfois, les gens ne contrôlent pas leur esprit, ils réagissent immédiatement à tout ce qui se manifeste en eux, sans réfléchir. À cause de cette réaction primaire à tout ce qui apparaît dans leur esprit, Kukucha apparaît. Kukucha, c'est le regret d'avoir prononcé ou fait des actes qu'on n'aurait pas dû faire, c'est le remords, l'esprit n'est plus calme. Pasadi, c'est juste l'inverse, c'est l'absence de Udaccha, l'agitation, et l'absence de Kukucha, le remords. Les gens sont souvent agités, ils ont l'esprit plein de remords et sont obligés de prendre des médicaments pour dormir. Mais Pasadi, le calme, est beaucoup plus puissante que les somnifères. Mais les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux et donc ils sont amenés à faire des choses regrettables. Ils prennent par exemple de la drogue, trouvent cela très agréable et s'y attachent. Ils ne veulent plus la lâcher. Pasadi, le calme, va amener la paix, non seulement dans l'esprit, mais également dans le corps. Le corps sera calme, il n'y aura pas d'agitation. Mais Udaccha et Kukucha amènent l'agitation dans l'esprit. Il y aura également de la colère. Pasadi, le calme, une fois qu'il aura été introduit dans l'esprit, va mettre fin à tous ces états négatifs. Pasadi se manifeste sous la forme d'une absence d'agitation dans l'esprit, sous forme de calme. Si le méditant a Pasadi dans son esprit, il va devenir calme. Le calme de l'esprit va ensuite amener le calme du corps. Les actions de ce méditant sont calmes, ses paroles sont calmes. Il se contrôle au niveau des actes et des paroles. Il n'est pas agité. L'esprit du méditant est libre de Udaccha, de Kukucha et d'autres facteurs négatifs comme le désir avide et la colère. Son esprit est très tranquille, très apaisé et il le ressent clairement. Il se dit « comme je suis calme ». Lorsque Piti, la joie, est présente, elle réjouit l'esprit et Pasadi va tout naturellement suivre. Elle s'installe aussi dans l'esprit. Surtout si c'est la forme élevée de piti que le méditant expérimente, la forme envahissante. L'esprit est imbibé de piti, Le méditant n'a pas envie d'interrompre sa méditation, il n'a pas envie de bouger. Il est imbibé de bonheur, il est extrêmement calme. Passadi s'est manifesté de façon très claire. Immédiatement après son illumination, le Bouddha a passé 7 jours dans le calme. Pendant 7 jours, il resta assis à différents endroits, méditant sur son illumination. Il avait les yeux ouverts pendant 7 jours, et ce n'était pas dû à un effort particulier de sa part. C'était simplement dû au fait qu'il était plein de pitié. C'était une vague de joie et de bonheur qui déferlait constamment sur lui. Il était incapable de bouger et ses yeux étaient figés, grands ouverts. Et tout ceci pendant 7 jours. Il arrive parfois que le yogi expérimente lui aussi que ses yeux s'ouvrent spontanément pendant la méditation. Il ne fait pas d'effort particulier pour les maintenir ouverts, cela se fait automatiquement. Il veut alors les fermer, mais à peine fermés, ils se rouvrent de nouveau. Finalement, il comprend que les choses doivent être ainsi et il accepte. Lorsque Piti et Passadi sont présents dans l'esprit, le méditant n'a aucune envie de dormir. Il est très éveillé et plein de joie. Les yeux vont alors peut-être s'ouvrir spontanément. Comment faire apparaître Passadi Sambhojanga? Le Bouddha nous dit qu'il n'y a qu'une seule cause. Développer l'esprit, développer un esprit positif et tout particulièrement l'esprit méditatif. Et ceci va faire surgir la tranquillité du corps et la tranquillité de l'esprit. Le méditant doit donc s'efforcer d'introduire en lui la paix en observant attentivement tout ce qui se manifeste à chaque instant sans omission. Ces moments de paix vont alors se multiplier et finalement, Passadi Sambhojanga va apparaître. Mais dans les commentaires, on mentionne 7 causes pour faire apparaître Passadi Sambhojanga. La première concerne l'alimentation. Lorsqu'on pratique la méditation, il faut choisir une nourriture qui est nourrissante, car une nourriture qui ne le serait pas ne permettra pas d'atteindre la paix de l'esprit. La nourriture que nous consommons doit donc être appropriée et riche en vitamines. S'il est végétarien, le méditant doit s'assurer d'avoir suffisamment de protéines. Les non-végétariens ont peut-être besoin, eux, de protéines animales, de poissons ou de viande. Ils en ont besoin pour se sentir rassasiés et vigoureux. C'est à chacun de voir ce dont il a besoin. Mais de toute façon, il est très important de bien choisir sa nourriture et d'en avoir en suffisance et de bonne qualité. Le méditant doit avoir de l'énergie et cet aspect doit donc être pris au sérieux. La deuxième cause pour faire apparaître Passadi concerne le climat. Lorsqu'on médite, il faut se choisir un endroit où le climat nous est favorable. Il ne faut pas qu'il soit ni trop chaud ni trop froid. Si quelqu'un ne supporte pas le froid, il ne doit pas choisir cet endroit pour une retraite. Il y en a d'autres qui n'aiment pas la chaleur et s'ils sont trop chauds pendant leur méditation, ils ne se sentiront pas bien. Il faut donc faire attention et choisir pour la méditation un endroit qui nous convient. La troisième cause pour faire apparaître le facteur d'illumination de Passadi concerne la posture. Les postures doivent être équilibrées. Il faut pratiquer en posture assise, en marche, debout et allongée. Ce sont les 4 postures traditionnelles. Mais il faut les pratiquer de façon équilibrée. Nous devons aussi choisir la posture qui nous convient. Selon le Bouddha, la posture assise et la marche sont les meilleures postures. Certains méditants vont s'asseoir sur une chaise. Il y en a qui choisissent de méditer en posture allongée. Le problème, c'est que dans ces postures, l'énergie est absente. Le méditant qui s'assied sur une chaise va probablement s'appuyer sur le dossier et la somnolence ne tardera pas à s'introduire. Sa tête commence à dodeliner. Il faut donc éviter ces postures. Bien sûr, certaines personnes ont des problèmes physiques qui les obligent à méditer soit sur une chaise, soit en posture allongée. Mais ceci est différent. La quatrième cause pour l'apparition de Passadhi, la tranquillité, concerne l'effort. Virya, l'effort, doit être équilibré. Il ne faut pas être ni trop tendu, ni trop relâché. Il faut éviter d'être trop tendu, de fournir un trop gros effort. C'est comme une personne qui voudrait gravir une montagne. Elle se met en route, décidée à fournir un effort continu pour arriver au plus vite au sommet. Mais un tel effort est excessif. Il ne faut pas procéder ainsi. Nous devons travailler de façon équilibrée, sans forcer. Mais il ne faut pas non plus se déplacer comme un escargot. Il faut équilibrer notre effort. Il ne doit être ni trop tendu, ni trop relâché. Il y a aussi certains yogis qui fournissent un très gros effort en posture assise et lorsqu'ils passent à la marche, ils relâchent leur effort. Lorsqu'ils croisent une personne, ils s'arrêtent et commencent à leur parler. Mais ceci n'est pas recommandé. Ce n'est pas de cette façon qu'on atteint la tranquillité. Il faut équilibrer. Le yogi en posture assise doit observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il doit être déterminé à fournir un effort pour y arriver, mais cet effort doit être équilibré. S'il réussit à faire cet effort et à noter les pensées dès qu'elles se manifestent, elles vont se raréfier. Et finalement, il pourra les noter dès leur apparition. Pendant la marche, le plus important, c'est de contrôler les yeux. Il faut garder le regard dirigé vers le bas pour éviter de regarder de ci, de là et d'être distrait. Il faut focaliser son esprit sur les pieds, sur le mouvement au niveau des pieds. Un yogi qui pratique ainsi pourra certainement expérimenter les qualités du mouvement d'élévation, d'avancement et d'abaissement du pied. Mais s'il ne contrôle pas ses yeux, s'il regarde de ci, de là, son esprit va suivre les yeux. Il va aller là où il regarde. Et il y a très peu de chances pour ce yogi de voir apparaître en lui la tranquillité. La cinquième cause pour l'apparition de Passadhi, la tranquillité, c'est d'éviter les personnes grossières, cruelles, car si nous vivons en compagnie de telles personnes, nous ne pourrons pas introduire en nous la paix de l'esprit à cause du bruit que ces gens font. La septième cause pour faire apparaître Passadhi, le calme, c'est le contraire, rechercher la compagnie des personnes qui sont calmes, physiquement et mentalement. La dernière cause, c'est d'incliner constamment l'esprit vers le développement de Passadhi, la tranquillité. Vous êtes venu ici pour pratiquer. Si vous vous entraînez avec détermination, vous réussirez à introduire en vous cette paix de l'esprit et du corps. C'est très important. Le méditant doit donc constamment incliner son esprit vers le calme. Cela veut simplement dire qu'il doit être déterminé à noter l'objet qui est présent. Il doit le faire de façon précise et rapide. S'il réussit à le faire, son esprit va se clarifier, la concentration va se développer Piti, la joie, et Passadi, la tranquillité, vont apparaître successivement. Vous qui êtes ici, vous pratiquez depuis plusieurs jours et vous avez réussi à obtenir un certain niveau de ces facteurs. Je vous encourage donc à poursuivre votre effort pendant les quelques jours qui vous restent. Efforcez-vous de poursuivre votre bonne pratique et de noter tout ce qui se manifeste en vous à chaque instant, la joie, piti et le calme passadi vont se développer de plus en plus. J'espère que vous obtiendrez ces deux facteurs, que vous réussirez à les introduire en vous. Sadhu, sadhu, sadhu.